Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Grâce à vous, Zélie et sa mamie ont réussi l'impensable, arrêter Kindless une bonne fois pour toutes. Comment y sont-elles arrivées? Je vous laisse la surprise. Il faudra juste attendre la semaine prochaine pour découvrir toute l'histoire racontée par Karine et Arnaud et mise en musique par Léa. Mais il manque encore à notre aventure quelque chose de très important. Un titre. Comme d'habitude, c'est à vous de le choisir. Rendez-vous sur telming.com/lph. telming.com/lph. J'ai trop hâte de lire vos réponses. Je vous embrasse et je ne vous dis pas à mardi prochain, mais à dimanche, pour vous présenter le programme du mois de juin.